بمحمد نبيا ورسولا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. جعلني الله وإياكم من الفائزين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم. Louange à Allah, nous implorons son pardon, nous implorons sa protection contre le mal qu'il y a en nous et le mal qu'il y a dans ce que nous faisons. Celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala a guidé, nul ne pourrait l'égarer. Et celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala a laissé s'égarer, personne ne pourrait le rendre dans le droit chemin, si ce n'est par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ô vous qui avez cru, craignez Allah comme il convient, et tâchez de nous mourir qu'en lui étant entièrement soumis. Sachons nous montrer reconnaissants envers la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui a agréé l'islam pour nous et qui a accepté que nous comptions du nombre de ceux qui croient en lui et en son messager. Louange à Allah pour la prière, qui est un lien indéfectible entre lui et nous. Louange à Allah pour le jeûne, qui est une école pour toute personne qui voudrait se réformer de l'intérieur et se conformer au modèle qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu pour l'humanité. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala pour toutes ces prières nocturnes qui nous mettent en contact avec sa parole divine, éternelle et infalsifiable, et qui met nos cœurs au contact avec cette pratique de la prière plus pure que d'habitude, plus intense que d'habitude. Et sachez que la parole la plus véridique est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que la voie la mieux guidée, la plus éclairée, est celle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et que cette religion a été parachevée et que dedans il n'y a pas de place pour les ajouts et les innovations. Toute innovation est une déviance, et la déviance mène au feu de l'enfer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en protège tous. Ikhwani fillah, ta'ammalu ma'i hal al-muslim fi ramadan. Al-muslim fi ramadan hammuhu أن يبدأ يومه صائما وينهيه صائما، وأن لا يكون هناك مفطر يفسد عليه صيامه، وهو يخاف حتى من الغبار في الشارع أو من الغبار في العمل، أو يخاف من القيء، أو يخاف من النظرة الحرام، حتى أن بعض الناس يعني أخذوا النهي أشد مما يكون، أنهم يخافون حتى من الكلمة الخبيثة ينطق بها الإنسان، يقول لك وش فطر ولا ماشي فطر. وهذا نعمة الله على العبد في هذا الشهر، ولا يكون ذلك إلا في هذا الشهر، اللهم إلا ما كان من حال الحج، حيث ترى الحاج يخاف من كل شيء يفسد عليه حجه، حتى من القملة يحك جلده فيخاف أن يكون قد هذا حك الجلد يكون يؤثر له في حجه. فالله سبحانه وتعالى هنا يعلمنا أن العبادة إما أن تكون مطابقة لما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتكون بذلك صالحة وبإذن الله مقبولة عند الله مأجورة، وإما أن تكون باطلة لأن أحد أركانها ناقص أو لأن أحد نواقضها موجود. فالعبد يجب أن يتعلم أن كل العبادات كذلك، مش غير الصيام هو اللي عن هو اللي في هذه الحالة. أرأيتم أن الناس إذا رأوا الإنسان فاطر في رمضان يستعظمون ذلك ويستهويلونه، ولهم الحق في ذلك، لأن من أفطر بغير عذر، من أفطر بغير عذر فعليه القضاء وعليه الكفارة، والكفارة قد تكون حتى صيام شهرين متتابعين لعظم ما أقدم عليه الإنسان في هذا الشهر أن يفطر. وهذا في وبهذا يعلمنا الله سبحانه وتعالى كيف نعظم الشعائر. وعندنا علماؤنا يقولون أن الإنسان إذا بدأ عبادة فلا يخرج منها إلا مضطرا. الإنسان بدأ واحد العبادة ما يخرج منها إلا إذا كان هناك سبب، يعني مثلا دخل في الصلاة فلا يخرجه من الصلاة إلا أن ينقض وضوءه مثلا، ما يخرج من الصلاة يبدأها يقول لك لا أنا يلا عملت ركعان برك نخرج منها، فهذا لا يحل لك. وعندنا كذلك في المذهب المالكي أن الإنسان إذا بدأ صوم التطوع، صوم التطوع وفي وسط النهار قال نفطر، فعليه أن يقضي، وهذا على خلاف مذاهب أخرى. يقول لأن العبادة إذا بدأها الإنسان فهو بدأ في صلة خاصة مع الله سبحانه وتعالى، فلا يقطعها متى يشاء، لأن ذلك من تعظيم شعائر الله. وهذه الآية ورددها كثيرا لكي تستقر في عقول الناس وفي قلوب الناس، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فالخوف على العبادة من البطلان ماشي غير في رمضان، ماشي غير في الصيام. فإذا كنا لا نحب أن نرى الإنسان المفطر، حتى أن النساء عندنا الله حفظهن الله سبحانه وتعالى حتى وتكون هي حائط تلقاها يعني تأكل معزولة، يعني تخاف أن تجرح المشاعر بتاع الآخرين أو أن تثير شهوتهم للأكل. وهذا وإن كان غير فرض، يعني إلى تأكل قدام أولادها، أولادها عارفينها بأنها أو زوجة عارفة بأنها حائض فليس عليها شيء، ولكن لكي لا يتجرأ الصغار يزعموا على، يعني هذا اللي يكون عنده 13 14 سنة يشوف متأكل يزعم على الأكل ويظن أن الأمر سهل. فكذلك الصلاة، احنا نغضبوا على المفطر في رمضان ولا نغضب على تارك الصلاة؟ نغضب يعني الإنسان مثلا يعرف بأن خصو يتصحر وخصو يفطر وهذه ويضبط هذه المسائل هذه، ولكن خرجوا مثلا بعض المرات مع العشرة ولا مع الحادي عشرة في النهار، ونعلم أن ما غنرجعوا حتى الثامنة أو التاسعة ويكون العصر فات ولا نأخذ حذرنا، ما كان ننتبهوش لهذه المسألة، فين غادي نتوضى، فين غادي نصلي، يلحق علي الظهر فين غادي نكون، يلحق علي العصر فين غادي نكون. هذه كلها أسئلة، لأن هذه عبادة، عبادة الصوم مهمة وعبادة الصلاة أهم منها، أعظم منها بكثير. بعض الناس يظن بأن التراويح شيء كبير، وهي فعلا شيء كبير، ولكن تغيب على التراويح كل الشهر أقل عند الله من أن تفوتك صلاة الظهر وحدة. صلاة الظهر وحدة تعدل قيام رمضان كله، جمع رمضانات كلها لا تقوم فيها ولا ليلة واحدة، أخف عند الله من أن تترك صلاة واحدة مفروضة عليك. ما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه. فالصلاة المفروضة أهم من التراويح، وصيام رمضان أهم من ست شوال، والزكاة هذيك 2.5% ولو تكون غير 10 أورو هي أحب إلى الله من أن تعطي مدينة كلها تأكل وتشرب مدة عامين صدقة، تخسر عليهم الملاير لا تساوي عند الله 10 أورو زكاة مفروضة، لأن هذه طلبها الله سبحانه وتعالى، وهذه ما طلبها منك، هذه عملها ولا ما تعملهاش لا عليك، إن عملتها فهو خير لك وإن لم تعملها فليس عليك شيء. فنفهموا هذا المقياس هذا. سمح لي طولت باش نجمع الفكرة من أولها إلى آخرها. Pour les francophones, excusez-moi, j'ai fait long en arabe parce que l'idée, je ne voulais pas qu'elle soit morcelée. Alors je vais vous donner le temps, Inch'Allah, de la comprendre. Regardez avec moi comment, avec quelle précaution, nous faisons attention à l'heure du matin. À quel moment je dois arrêter de manger? Est-ce qu'il est encore temps de manger? Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas dépasser l'heure pour manger. Le soir, est-ce qu'il est encore l'heure? Il reste encore 20 secondes où l'idée, attends, pas encore. Parce qu'on a peur de manger avant l'heure. On marche dans la rue, il y a de la poussière, il y a quelque chose qui rentre. Alors t'as la personne ne sait plus, est-ce que j'ai jeûné, pas jeûné, il prend le téléphone au cheikh, il pose la question. Parce qu'il ne veut pas que la ibad, l'adoration dans laquelle il est, soit cassée, soit invalidée. Et c'est très important. Et cet exercice, nous l'avons dans le mois de Ramadan pour l'ibad. Non pas que le mois de Ramadan soit plus important que le reste. Il y a plus important que le jeûne de Ramadan. La prière, par exemple, est plus importante. Az-zakat est encore plus importante que le jeûne du mois de Ramadan. Mais le mois de Ramadan, il nous touche dans quelque chose de vital. Notre nourriture, notre boisson, notre relation charnelle avec l'être aimé. Alors, puisque ce sacrifice, le croyant, il le fait, alors il a peur de perdre le bénéfice de ce sacrifice. Il n'y a qu'à voir le nombre de questions pour voir que les musulmans sont conscients que là, ils sont en train d'accomplir une ibadah et qu'ils ne veulent pas qu'elle soit cassée, cette ibadah, pour quoi que ce soit qui puisse l'invalider. Et c'est excellent de faire cet exercice. Mais sachez que ce souci qui nous accompagne tout le temps au mois de Ramadan doit être le nôtre aussi pour toutes les autres ibadahs. On n'a pas beaucoup de questions sur la prière. Vous savez, parfois on sort le matin et on sait qu'on va rentrer le soir et on a calculé, je vais me trouver à tel endroit, donc je m'arrange pour qu'il y ait un restaurant, qu'il y ait un kebab à côté pour que je puisse manger. Je m'arrange pour que à tel endroit pour le plein, parce qu'il faudrait qu'il y ait une bonne station pas très chère. On fait attention à tout. Est-ce que l'un de nous, dans son agenda, il met attention, quand arrivera l'heure de dhuhr, où est-ce que je serai? Est-ce que j'aurai de l'eau à côté? Est-ce que j'ai mis un jerrican d'eau dans la voiture quand je prends le voyage, au cas où il n'y aurait pas d'eau, que l'heure de dhuhr arrive? Très peu de personnes font ça. Je n'aurai pas le temps de m'arrêter entre dhuhr et l'asr. Qu'est-ce que je fais si je ne peux m'arrêter qu'après le maghrib? Pourquoi on ne fait pas ça? Parce que l'exercice de conserver la ibadah et faire en sorte qu'elle ne soit pas invalidée par un manquement parce qu'on l'avait retardée en dehors de son temps ou parce qu'on l'avait faite avant son temps. Ce souci-là, nous l'avons au mois de Ramadan pour le jeûne, il faudrait qu'on l'ait aussi pour la prière. Zakat, qui est plus importante que le jeûne. J'ai reçu de l'argent. Est-ce que je me renseigne sur le nisab? Le nisab, c'est-à-dire ce seuil au-dessus duquel je dois payer la zakat. Si c'est aux alentours de 3000 euros à peu près, si on compte par l'or. Et c'est la norme, c'est l'or. Il faut compter par l'or. Sauf si toi-même, tu voudrais privilégier les pauvres et tu comptes par l'argent, le métal. Et dans ce cas-là, tu es aux alentours de 300 euros. J'ai quelqu'un du métier là qui pourrait me dire, on est aux alentours à peu près de 400 euros. Si tu veux privilégier les pauvres. Mais si tu veux être dans la norme, c'est l'or. C'est à peu près dans les 3000 et quelques, plus ou moins. Mais il suffit de téléphoner ou d'aller sur Internet pour savoir. Quand nous recevons de l'argent, est-ce que la première question se pose, est-ce que la zakat va s'applique dessus? Est-ce que j'ai marqué la date à laquelle j'ai reçu cet argent pour qu'un an plus tard, si j'ai toujours la même somme, je paye la zakat sur ça? Est-ce que les questions concernant la zakat sont nombreuses dans la Ummah? Rien. Très peu. Maintenant, alhamdoulilah, ce sont les jeunes qui viennent nous voir pour nous dire, tiens, j'ai une somme de zakat, est-ce que vous ne savez pas dans quelle direction on devrait le faire? La zakat est extrêmement importante. Même plus que le jeûne. Et puisque le jeûne, tu ne veux pas qu'il soit, tu sais, il t'a appris. C'est un exercice que tu as appris. Il va falloir que tu extrapoles, que tu utilises cet exercice pour la prière, que tu l'utilises pour az-zakat. et que tu l'utilises pour tawhid d'abord, est-ce que quelque chose ne va pas invalider mon la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sur lequel je bâtis tout le reste? C'est extrêmement important de garder ce sens et de garder cette conscience. Je vous ai dit plusieurs fois que les sens sont à vif. La conscience est à vif au mois de Ramadan pour souligner l'importance de la ibadah. Et qu'une ibadah, elle est basée sur des piliers. Si un pilier manque, elle s'écroule. Et qu'une ibadah même bien construite, elle pourrait éventuellement s'écrouler parce qu'il y a un naqid, parce qu'il y a quelque chose qui a cassé un de ses piliers ou un de ses fondements. Regardez avec moi aussi, quand vous passez et que vous voyez quelqu'un qui est apparemment musulman en train de manger au mois de Ramadan. On est tous offusqués. Mais qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il a... Pourquoi il fait ça? Est-ce que c'est un voyageur? On voit même les femmes dans les familles musulmanes, ce n'est pas obligatoire pour elles. Mais même elles, pour manger, elles se réfugient dans la cuisine quand elles ont leurs règles pour ne pas, donner envie à ceux qui jeûnent et surtout pour que les plus jeunes ne prennent pas à la légère le fait de manger au mois de Ramadan. C'est extrêmement important, c'est très intelligent, c'est crucial que de vouloir que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a prescrit ensemble soit respecté par tous ceux qui doivent le respecter. Mais est-ce que nous avons le même sens quand nous vivons avec quelqu'un dont nous connaissons la richesse et que nous ne l'avons jamais vu payer la zakat? Ah oui, même dans certains pays, quand on voit quelqu'un manger, vous avez des gens qui se ruent sur lui. Et tous ces riches-là qui n'ont jamais donné, ne serait-ce qu'un euro, je dirais pas vis-à-vis-là, mais quelque chose d'obligatoire. Tous ces gens-là qui prient pas autour de nous, on leur dit rien. On leur montre même pas qu'on n'est pas content. Mais si on les avait vus en train de manger au mois de Ramadan, on leur dit, mais tu te rends compte de ce que tu fais? Alors nous nous offusquons pour le troisième, pour le quatrième pilier, et nous ne réagissons même pas pour le deuxième et pour le troisième pilier. Sachez, vous savez, beaucoup de gens mesurent les choses par l'importance qu'on leur donne socialement. Alors quand on voit quelqu'un qui ne vient pas au mois de Ramadan à Tarawih, alors on dit, la hawla wa la quwwata, tu imagines, tu ne seront même pas à la mosquée pour Tarawih. Prenez toutes les Tarawih de tout le mois de Ramadan. Mettez-les dans un plateau d'une balance. Prenez une prière de Dhuhr, ou de Subh, ou de l'Asr, ou celle que vous voulez. Vous la mettez dans l'autre plateau de la balance, elle va faire basculer le tout. Elle est plus importante. Pourquoi? Parce que cette prière de Dhuhr, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a demandé. Il t'a demandé celle-là, pas autre chose. Et puis après, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam a instauré at-tarawih. Même lui-même alayhi salatu wa sallam avait cessé de la pratiquer en public parce qu'il avait peur qu'elle devienne obligatoire. Savez-vous que si vous avez une zakat de 10 euros, 2,5% de quelque chose que, allez, ça fait, donc, c'est 25 euros à peu près pour 1000 euros. D'accord, 25 euros pour 1000 euros, ça veut dire que vous aviez 4000 euros et vous êtes, allez, on va dire, donc ça fait 25 euros, donc ça fait 100, voilà, donc ça fait 100 euros pour 4000. 100 euros, c'est pas grand chose. Quelqu'un dirait, mais moi, les 100 euros, je vous les donne quand vous voulez, c'est pas... Moi, je voudrais nourrir tout un village en Afrique pendant un an. Sadaqa. On lui dit, ça ne vaut pas les 100 euros de zakat sur 4000 euros. Ça ne les vaut pas. Si tu ne payes pas les 100 euros, Allah subhanahu wa ta'ala n'a que faire de ta charité par la suite. Pourquoi? Parce que les 100 euros, Allah subhanahu wa ta'ala les a demandés. C'est-à-dire, je veux ça. Ne me dis pas, j'ai tout ça. Non. Je te dis, je veux ça. Et je veux ton intention. Que ça, c'est pour nettoyer les 4000 euros que... Comprenez ça. Comprenez. Allah subhanahu wa ta'ala dit, vous ne pouvez pas faire quelque chose qui me soit plus agréable que en accomplissant ce que je vous ai demandé. Allah subhanahu wa ta'ala t'a demandé 5 prières. Si tu me dis, non, moi je rentre la nuit... Et de minuit à 2h du matin, j'en fais 100. Non. Il veut les 5 prières. Subh, à l'heure. Dhuhr, à l'heure. L'Asr, à l'heure. L'Maghrib, à l'heure. L'Isha, à l'heure. Autant que tu le peux. Autant que tu le peux. Je veux donner 5 millions en sadaqa. Non. Allah subhanahu wa ta'ala veut les 100 euros sur les 4000 euros que tu as de économiser pendant. C'est tout. Comprenez-le. C'est comme ça. De façon à ce que cette religion soit partagée. Soit partagée par nous tous. Que nous fassions la même profession de foi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Que nous pratiquions tous les mêmes prières, que nous ayons la même zakat, que nous ayons le même jeûne. Et puis après, comme dit le prophète alayhi salatu wassalam, illa an tattawwa. Sauf si tu es volontaire pour faire plus que ça. Comprenons-le, le mois de Ramadan nous le fait comprendre. C'est une leçon qui vaut son pesant d'or et il ne faudrait pas la rater. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وجميع أعمال البر التي وفقتنا إليها يا أرحم الراحمين يا رب العالمين لأهمية العبادة رأيتم أن الله سبحانه وتعالى قد جعل للصائم بعض الرخص ويعني نقول للإخوة أن الإفطار في رمضان الرخصة بتاع الإفطار في رمضان هو شيء مضبوط يعني ضبط قوي الرخصة تكون موجودة وإذا لم تقم بأركانها ما يعني ما عملتهاش مليح فليس لك الحق فيها مثال بسيط إن شاء الله المسافر الله سبحانه وتعالى رخص له في الصيام فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر واضحة يا واضحة لكن لجنة للتطبيق يعني أن الإنسان يأخذ سيارة ديالو عنده مسافة القصر عنده 100 كيلومتر ولا 120 ولا 200 ولا 3000 ولا يقول لك يعني يجبد لك القاميلة وكي يأكل ويطلع لا المسائل ليست هكذا المسائل أنك أنت مخير تصوم ولا تفطر أنت مخير تصوم أو تفطر ولكن إمتى يوقع هذا الاختيار متى يقع هذا الاختيار هذا الاختيار يقع قبل طلوع الفجر قبل لا يطلع الفجر كتكون ديك الساعة أنت قررت واش غادي يعني عندك سفر قررت واش غادي تصوم ولا غادي تفطر الا قلت غادي نصوم وطلع عليك الفجر وافطرت فقد افطرت بغير حق قلت راه صافي انا في هذا السفر غادي نصوم وحتى طلع الفجر يعني تنول الانسان هكا ورجعت في النياده فلا يحق لك ان تفطر لا صافي لان كان عندك الوقت الاختيار تخير صوم يا اخي او افطر قبل في الوقت اللي كتنعقد فيه النية هذا فقه خصو يكون مضبوط عند الناس هاي المسألة الأولى المسألة الثانية إمتى غتخرج للسفر هذا السفر الذي يحل لك فيه الإفطار في الأول خرجة بتاع السفر من البيت خاص يكون الخروج قبل الفجر إذا خرجت من بعد الفجر خرجت من بعد الفجر فأنت مفطر لأنك ما نويتش الصيام هذيك الليلة فخاف على نفسك فماشي اي سفر يقول لك لا يا اخي كاينه واحد السلعه غنمشيو نجيبوها من باريس ما باريس شحال 120 كيلومتر يا اخي ارى لنا واحد كاسكروت ناكلوه قبل نخرجوا لا يا اخي لا كي لا يكون العبث بالدين يجي واحد الانسان غيدير الرجوع يهز الطوموبيله ديالو ويطلع جيت دياب يقول لك دياب شحال هذه 80 كيلومتر 82 كيلومتر اروا لي واحد البلاطو تاع الحوت ناكلو. لا غادي يوقع تلاعب بالدين. اذا هناك ضوابط. الضابط الاول انك تنوي عقد النيه يا هذا الغد ليه راك انت يعني قبل الفجر صايم ولا فاطر؟ اذا قلت انا فاطر اذا خصك تخرج قبل الفجر. اذا خصك تخرج قبل الفجر. مثلا عندك الطياره غادي طالعه للسنغال ولا طالعه للجيري ولا طالعه للمغرب ولا غادي للشينوا، خرج اذا خرجت من البيت قبل الفجر فانت راك عندك الرخصه بتاع الافطار ما عليكش. اما من بعد الفجر انتهى الامر. انتهى الامر. لا علاش؟ لان قد عقدت النيه على الصيام فلا يحل لك ان تفطر الا اذا وقعت لك مشقه. يعني الانسان وقعت له مشقه خدا الطريق وكان غادي يصيم ومن بعد يعني كان الحر وما عنده الكليم خسرت له لا كليم وتعب، هنا اذا افطر فغادي يكون يفطر للمشقه ماشي لي ماشي للصف. واش هذا الكلام مفهوم يا اخوان؟ مفهوم ان شاء الله. لو فات دو رومبر لو جون او موا دو رمضان est une dérogation qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prévu dans les versets qui ont mis en place le mois de Ramadan. فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى. Ceux d'entre vous qui sont malades ou qui sont en voyage, alors ils rattrapent leur jeûne à d'autres jours en dehors du mois de Ramadan. C'est clair, c'est net, il n'y a pas de problème. Mais ça, c'est le principe. La mise en application. Si vous laissez les gens faire comme ils veulent, comme a dit le, il y a un bédouin, ils lui ont dit Ramadan est arrivé. Il a dit je vais l'émietter à force de voyage. Je vais le déchiqueter en petits morceaux à force de voyage. Il y a même non, enfin, je ne vais pas sortir du sujet. C'est-à-dire que tu as le droit, sauf que dans la pratique, il y a certaines choses à respecter. Avant le Fajr, tu dois prendre ta décision. Tu dois prendre ta décision. Est-ce que tu vas prendre la dérogation de rompre le jeûne ou alors tu vas jeûner parce que tu as le droit. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa antasumu khayrun lakum. Et que vous jeûniez est meilleur pour vous. Mais tu dis mon voyage il va être long, il va être pénible, j'ai plusieurs escales et tout ça. D'accord. Il n'y a pas de problème, tu as évalué ta difficulté. La distance, elle, c'est la distance du voyage qui te permet de raccourcir les prières. Eh bien, prends ta décision avant le Fajr. Tu dis, je ne vais pas jeûner. Alors, pour que cette décision soit validée, il faut que tu quittes pour le premier départ. Je ne dis pas quand tu as un voyage de plusieurs jours. Là, nous parlons du premier jour. Le premier, quand tu quittes chez toi, il faut que ce départ, que tu sortes de la ville avant le Fajr. Si c'est après le Fajr, cette journée-là, tu dois la finir et la rattraper. Pourquoi? Parce que le matin, tu as eu la niya de ne pas jeûner. Donc, tu n'as pas la niya de jeûner et tu n'as pas voyagé dans la journée. Tu ne peux pas manger et tu dois la rattraper. C'est des choses très précises. C'est un fer que les gens doivent apprendre comme ils apprennent leur permis de conduire, de conduire les engins lourds, vous savez, les grands engins. Je ne parle même pas du permis B. Parce que c'est une ibada avec laquelle il ne faut pas jouer. Est-ce que c'est clair? Donc, je fais mon choix de jeûner ou de ne pas jeûner avant, dans la nuit, entre le Maghrib et le Fajr. Et pour que cette niya soit validée, il faut que je quitte mon domicile et que je quitte la ville, c'est-à-dire que je me retrouve dans les bons lieux de ma ville, là où se trouvent les jardins ouvriers et tout ça, au moment où il dit Allahu Akbar. S'il dit Allahu Akbar alors que tu es à l'intérieur, cette journée, elle est pendant ce temps-là. Tu te rends compte que tu n'es pas encore sorti, tu as encore le temps de dire niya du jeûne. Et tu jeûnes cette journée-là et par contre, si dans le voyage, tu t'es retrouvé en difficulté, déshydraté, parce que je ne sais pas pour quelle raison, tu t'es retrouvé en panne quelque part dans un endroit, le soleil tape, et il y a une raison que tu te trouves en difficulté et tu n'en peux plus. Là, tu vas rompre le jeûne pour la difficulté et non pas pour le voyage. Si le voyage dure plusieurs jours, la deuxième étape, là, il n'y a pas de problème. Tu peux ne pas jeûner le deuxième jour parce que tu es déjà en voyage. Et si c'est un troisième jour, un quatrième, je pense aux routiers, par exemple, qui vont aller de l'autre côté, qui vont livrer des choses à Moscou et que ça va durer 2 ou 3 jours. Alors, dans ce cas-là, on peut comprendre que... Mais la précaution porte sur le premier jour. Je dirais la même chose pour les examens. Là, les jeunes qui vont passer des examens. Beaucoup de gens posent la question, est-ce que quelqu'un qui passe des examens a le droit de ne pas jeûner? Et la fatwa qui est sortie aussi bien en Égypte que la fatwa qui est sortie ici en Europe est une fatwa qu'il faut lire avec beaucoup, beaucoup de précautions. Alors il y a des gens qui disent, ah oui, ils autorisent de rompre le jeûne pour préparer les examens. Lisez-la très, très bien. À l'intérieur, elle ne dit pas ça. Elle dit que la règle est que le musulman jeûne, quelles que soient les circonstances, tant que cela ne le met pas en difficulté, ou une sœur qui a ses règles, enfin tous les cas où on a même parfois le droit de le devoir de ne pas jeûner. Mais dire que je romps le jeûne parce que ce sont les examens, ça c'est pas prévu dans le code. Est-ce que cet examen te met en difficulté? C'est ça la question. Alors je dis aux jeunes, le soir, quand vous vous préparez, hydratez-vous bien. Vraiment, hydratez. Ne venez pas à Tarawih la nuit, la veille, ou même pendant toute la préparation des examens. Si vraiment ça vous tient à cœur, prenez votre mushaf et faites quelques rak'at après la prière de l'Isha. Faites une bonne préparation physique. Une bonne, c'est-à-dire, je mange bien, je m'hydrate bien, je me repose bien. S'il y a des fortifiants parfois qu'on utilise un petit peu, vitamine C ou des choses comme ça, très très bien, sans excès, bien sûr. Et surtout, bien s'hydrater, bien se reposer. Avoir des nuits de sommeil qui sont assez, au moins 4 heures, 5 heures de sommeil. Ils peuvent même dormir juste après le maghrib, se lever un petit peu pour faire la prière de l'Isha et se recoucher. Et se lever avant le fajr pour sahur. Ça, tout ça est possible. Dans la journée, pendant l'examen, alors là, c'est le grand taillé, je ne me sens pas très très bien, je commence à sentir que j'ai pas... Là, il y a une raison pour laquelle on peut rompre le jeûne. Pourquoi? Parce que tu t'approches de la personne malade. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيدًا. Tu ne peux plus, tu sens que c'est la bouche elle est sèche et puis les idées... Là, je prends ma barre chocolatée, je prends mon morceau de sucre, je m'hydrate bien et je continue mon travail. Mais je ne sors pas de chez moi avec l'idée que je vais passer l'examen et sur cette base-là, je rends le jeûne. Parce que parfois, j'ai fait de longues études et je sais ce que c'est que de jeûner. D'ailleurs, j'ai fini mes études à l'époque où, justement, c'était il y a 33 ans à peu près, c'était le moment, la même époque, exactement la même époque. Parfois, on a fini l'examen et on se dit, si j'avais rompu le jeûne, je l'aurais rompu pour rien. Ou parce que je n'ai rien pu faire. J'ai vu le sujet et le blackout total, rien. Et dans ce cas-là, j'aurais rompu le jeûne pour rien, d'accord? Ou alors, j'étais tellement bien, spirituellement fort, et avec du'a de ma mère et du père et tout ça, et comme ça, que tu as été boosté, que tu as fini l'examen, que tu as ressenti absolument rien. Et je dis aux jeunes, attention, le fait de rompre le jeûne, c'est quelqu'un vous encourage au départ. Oui, au début, ça peut être séduisant. Après, on a un arrière-goût, surtout si on a raté les examens. J'ai raté les examens et en plus, j'ai même pas jeûné. Attention à toutes les conséquences psychologiques par la suite. Je répète, prenez toutes vos précautions. Vous sortez de chez vous le matin avec la niya de jeûner. Dans la journée, il y a difficulté. Eh bien, là, je rends le jeûne pour la difficulté. Et Allah subhanahu wa ta'ala sait ce qu'il y a dans nos cœurs et ce qu'il y a dans nos corps. Et si cette raison, elle est valable, lui, il l'a accepté avant même que nous l'invoquions ou que nous puissions l'avancer comme raison de rompre le jeûne. Tout ça pour préserver la prescription d'Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد Je dis aux jeunes, le problème de Ramadan chez les musulmans, c'est certainement pas le fait de manger ou de boire. C'est le déséquilibre du sommeil. C'est le régime alimentaire qui n'est pas équilibré. Trop de chitbaki, il y a trop de zlabiyat, il y a trop de sucre, il y a trop de choses comme ça qui apportent une grande bouffée d'énergie sur le coup et qui se dissipent par la suite. Donc il faut privilégier un régime alimentaire qui tient au corps, c'est-à-dire tout, que ce soit les pâtes, ou que ce soit les fruits secs, les choses qui, lorsque je les mange à 3h ou à 3h30, du matin, elles vont à digestion longue, vous voyez, des choses qui... Si on n'arrive pas à absorber beaucoup d'eau, il faut privilégier toutes les crudités qui sont, ou les soupes légères qui sont les soupes aqueuses, soupes à l'eau, de façon à ce que l'hydratation de corps se fait. Et le sommeil, bien se reposer. S'il y a ces éléments-là, je crois que la soif, ça peut être un problème, mais avec l'hydratation, il n'y a pas de problème, ne pas s'exposer au soleil quand il y a le soleil. C'est ça, ce sont celles-là ces précautions. Une fois qu'on a pris toutes ces précautions, on n'aura même pas pensé à la dérogation de rompre le jeûne parce qu'elle sera devenue inutile et on aura évité de faire cela dans un mois béni par Allah subhanahu wa ta'ala. Le frère, le président de l'association, Hafidhahullah, Inch'Allah, juste après la prière, il a quelques nouvelles à vous donner concernant le projet. Inch'Allah, j'utiliserai aussi cet instant-là pour vous inciter à donner de manière plus généreuse qu'avant, de façon à ce qu'on puisse, Inch'Allah, dès que la tombée du permis de construire arrivera, Inch'Allah, qu'on puisse commencer les travaux dans la foulée. Barakallahu fikum. Allahumma arhamna wa arham walidina wa arham man 'allamana wa arham amwatana wa amwat al-muslimin ajma'in. La ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli shay'in qadir. Ya rabbana لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وزكواتنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اجعلنا وصالين للرحم اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين اللهم اجعلنا من الهادين المهديين اللهم اجعلنا من الصائمين الصابرين الذين تتقبل منهم أعمالهم يا أرحم الراحمين أنت قلت إن الصوم لك وأنت تجزي به اللهم فإنا نحتسب هذا الجزاء عندك دخلوا يا إخواننا راه اشتبدت كطيح بارك الله فيك إليا لا بلوي لا maintenant qui commence à tomber vous allez vous serrer inchallah à l'intérieur de façon à ce que le maximum de frères ne soient pas exposés à la pluie بارك الله فيكم وقوموا لصلاتكم يرحمني ويرحمكم الله